Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. We come walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys. Et t'es parti aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Très, très bien. Toi? Toi? Oui. Toi, toi, ça va? Vous? François-Olivier, ça va? Ça va? François-Olivier, Mathieu, Mathieu, oui. Mathieu, oui. François-Olivier, Simon. Hey. Simon, ça va? Oui. Ça fait mal à la tête. Je suis plus trop, là. Trop d'interactions en même temps. Hein. Donc, Simon, cette semaine, tu nous parles des Monkees. On l'aura compris par le thème de leur merveilleuse chanson de... Ben, thème, le thème de leur merveilleuse chanson. Le thème émission. De l'émission télé. C'est ça, qui ouais. jouait à Musimax dans le temps, je me rappelle. J'ai oui, ça. C'est vrai. C'était très bien, ça. Ouais. J'aime bien cette émission-là, moi, pour vrai. C'est une émission bonbon, un peu, mais quand même assez... qui représente bien les années 60, en fait. La télévision des années 60, qui était quand même assez bonbon pour ouais. plusieurs sujets. Ben, j'appréciais le fait que Musimax a diffusé en version sous-titré, je me suis dit, tu sais, quelle excellente idée au Québec et dans le monde francophone du Canada. Pas grand-chose de sous-titré. On dirait que le monde n'aime pas ça. Alors qu'en France, tout est sous-titré et ça passe très bien. T'sais. Effectivement. Je sais pas. Donc, une bonne initiative. Voilà. Mais on parle pas d'émission de télé, bon, on en parle entre autres, là, mais on parle du groupe. Oui, le groupe Les Monkees, qui en fait était un peu une réponse hein, aux Beatles. On voulait combattre la Beatlemania. On voulait contrer justement les Beatles aux États-Unis et créer un groupe qui serait probablement aussi influent, aussi gros que le Fab Four. Et donc, c'est l'histoire des Monkees qui débute en fait avec cette idée-là. En 1965, les réalisateurs Bob Rafelson et Bert Schneider, après avoir filmé le film Hard Day's Night, bien sûr, des Beatles, ont l'idée d'une série télévisée qui, comme le film Hard Day's Night, présenterait le quotidien d'un groupe de rock'n'roll. C'est là-dessus donc qu'ils basent leur idée de série, leur concept. Et ils le vendent, ce concept-là, à la compagnie Screen Gem qui se met à la recherche plutôt d'un groupe potentiel. D'abord, ils proposent le concept à un groupe émergent de folk rock qui s'appelle Lovin' Spoonful. Un contrat préalable qu'avait signé Lovin' Spoonful et une compagnie disque empêcherait Stone Gem de lancer les albums promotionnels comportant la musique de la série. C'est-à-dire qu'ils pourraient apparaître à la télé, mais on ne pourrait pas faire apparaître des albums de ce qu'ils ont fait à la télé. Donc, la ça, merch. La merch, comme on dit. Ouais, ouais, exactement. Et donc, en septembre de la même année, Stone Gem va faire paraître une annonce dans le célèbre magazine Variety et dans The Hollywood Reporter, plutôt, à la recherche de jeunes musiciens et acteurs pour former un groupe. Et pendant la recherche, Stone Gem s'assure de signer l'auteur-compositeur Don Krishner afin d'écrire la musique du pilote de la série. Et Krishner s'adjoint le duo d'auteurs Tommy Boyce et Bobby Hart, ainsi que Snuff Garrett à la production. Donc, pour s'assurer que tout soit bien fait côté musical, là, vraiment, on prend une direction musicale avec ces gens-là. Et donc, les auditions vont montrer, et entre autres, on dit, c'est Alain Lefebvre de Rock Classic, bien sûr, qui m'a dit ça, c'est que Stephen Stills, qui allait bientôt être un membre de Crosby, Stills, Nash & Young, ou Crosby, Stills, Nash, ou Buffalo Springfield, en tout cas, dans plein de groupes, avait auditionné pour les Monkees. Malheureusement, il n'a pas été retenu. Malheureusement ou heureusement? Heureusement, ouais, peut-être plus, ouais. Parce que sa carrière n'aurait pas été... aussi prolifique, probablement. Sa réputation aussi, peut-être. Sa réputation, aurait baissé un petit peu. Mais quand même, c'est une histoire assez intéressante que sont les zombies. Et donc, ça débute lorsque Michael Nesmith, Davy Jones, Mickey Dolenz et Peter Tork sont retenus pour interpréter les Monkees. Tork joue du banjo et joue également de la guitare et des claviers. Nesmith joue de la guitare et a déjà lancé un album en tant que chanteur. Et les deux autres Monkees ne jouent aucun instrument. Donc, ils ne connaissent pas la batterie ou ne serait-ce que la guitare ou quelques lignes de basse. Et donc, ça oriente la série vers une trame plutôt humoristique. C'est une sitcom, là. Oui, c'est une sitcom, exactement. Et au début, on pensait vraiment qu'on allait pouvoir former un groupe et les faire jouer en live dans leur émission. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive, du moins au début. Donc, il commence à enregistrer quelques pièces avec, bien sûr, un groupe studio. Et c'est l'équipe, en fait, découvre le talent de Jones comme chanteur et vont lui donner le rôle de leader de la formation. Mais par contre, Nesmith et Thorpe vont plutôt découvrir les talents de Mickey Dolenz, donc au chant. Donc, les deux vont un peu s'échanger les tâches de chanteur. Et le groupe lance son premier simple, Last Train to Clarksville, en août 1966, quelques semaines avant le début de la série, et c'est la pièce qu'on va l'entendre. No, cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together, till the morning brings my train, and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I feel alone. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville, and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Les Monkees avec la pièce Last Train to Clarksville, pièce lancée en août 1966. Ça devait être donc pour présenter le groupe aux Américains, bien sûr, puisque la série télévisée Les Monkees allait débuter à l'automne 1966, bien sûr. Hein? Et vous avez entendu ça, bien sûr, dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Ouais. Et c'est pas Phénomia. C'est pas Phénomia. Et là, je crois qu'ils l'ont remarqué. Ben, c'est ça. Mais j'ai cherché parce qu'on se demandait Phénomia, personne connaissait ça. Mais c'était vraiment la suite. Là. C'était pas juste dans le même ton. Là. Une télé-réalité jeunesse québécoise diffusée en 2003. L'émission est une adaptation de la télé-réalité qui l'a précédée, Mixmania. Et ça a été animé par Julie Saint-Pierre et Emmanuel Juteau-McEwen, qui étaient deux participants de Mixmania. Ouais, justement, parlant de Mixmania, ben, disons qu'on a mieux fini que dans une radio poubelle à faire des entrevues poches sur Internet. Tu considères ça comme une radio poubelle? Pas juste une radio genre pas bonne, mettons. Ben, il n'y a pas de bon contenu. Quoi ça? On dirait que j'ai pas... On parle d'une ancienne de Mixmania. C'est ça, mais on ne dira pas le reste, non, parce que ce serait de la diffamation. On va te le dire hors d'onde. Ouais, c'est ça. Mais Radio Poubelle, c'est le terme de Radio-Canada en passant. Pour vrai? Ouais, il avait fait une émission sur les talk radio, les gens qui appellent et tout. Il parlait donc des radios commerciales comme étant des radios poubelles. Ouais, ça, mais moi, je considère une radio poubelle comme une radio qui parle de... Avec un langage ordurier. C'est ça, et puis qui parle de sujets controversés juste pour créer de la marre. Il y a ça aussi, ouais. C'est plus un autre, ça, genre. C'est vrai, il faudrait qu'il y ait une autre catégorie. Ouais. Radio commerciale sans âme. Ah, qui ont vendu leur âme au diable. Revenons donc à Phénomène. Oui. Hein? Oui. Mais on parle quand même de quelque chose qui a été créé de toutes pièces, c'est les Monkees. Les Monkees, exactement, qui débutent leur série, comme je disais, en 1966. Et celle-ci est toute simple. Elle se déroule souvent avec la même trame. Parce qu'on retrouve les quatre garçons qui vivent ensemble dans une maison de Californie et qui vivent plutôt à chaque semaine des aventures loufoques autour de musique et de célébrités. Et bien sûr, à chaque semaine, on présente quelques chansons par épisode sous la forme de vidéoclips. Entre autres, on dit que les Monkees auraient été les premiers à faire des vidéoclips sans nécessairement le vouloir, parce que c'était dans l'émission, ils jouaient des instruments, mais ils jouaient pas pour vrai parce qu'ils savaient pas jouer. Par contre, ça prend tellement de temps entre chaque scène, et souvent il y avait beaucoup de changements à faire sur le plateau, que le groupe est laissé des longues heures à attendre avec leurs instruments dans les mains, mais débranchés. Mais ils ont décidé de brancher ces instruments-là, et pour tuer le temps, ils ont appris à en jouer. Et donc, rapidement, les musiciens vont... Bien sûr, il y avait Nesmith et Thor qui jouaient déjà des instruments, mais entre autres, Dollins va apprendre à jouer de la batterie et va quand même être un assez bon batteur. Et il va s'échanger la place avec Davy Jones lorsque un allait chanter, l'autre allait battre et des choses comme ça. Et la compagnie de disques du groupe, la Columbia, décide d'envoyer Monkees en tournée suite à ce lorsqu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'eux jouaient la musique pour de vrai. Des signes de dollars sont apparus dans leurs yeux instantanément. Exactement. Ben oui, ça allait être très, très lucratif. Et le groupe donc donne un premier concert à Hawaï en 1966, en décembre. Et la tournée fonctionne mieux que l'aurait pensé Krishner. Entre autres, Don Krishner, le directeur musical, était contre l'idée d'envoyer les Monkees en tournée. Et les membres des Monkees également sont surpris. Les fans sont en délire et on assiste à une véritable Monkeemania ressemblant à la folie qui entourait les concerts des Beatles, ce qui va renforcer la confiance des membres en tant que musiciens. Nesmith joue la guitare, Torque joue la basse, tandis que Jones et Dolenz, comme je le disais, se succèdent entre la batterie et la voix. Et c'est le groupe qui va jouer de leurs instruments sur scène, mis à part les solos qui sont faits par des musiciens qui étaient en arrière-scène. Mais en fait, on les voyait pas? C'était pas des artistes invités qui arrivaient pendant... Non, c'était des gens qu'on voyait pas. Ouais, okay. Ça aurait été quand même assez intéressant. Ben oui, ils arrêtent de jouer, puis à un moment donné, la vedette arrive. Mais c'est que, à l'époque, on essayait de faire croire que les Zombies jouaient... les Monkees, oui. Deux fois que tu dis Zombies. Lorsque je l'ai écouté, lorsque je l'ai écrit, la chronique, c'était incroyable. Je m'en prenne à chaque fois. Mais peut-être que c'est le thème d'un prochain... Une prochaine chronique, qui sait? Oh, peut-être, tu sèmes des graines de Subliminal. Ben oui. Comme dirait George Bush. Mais bref, ça, on essayait de faire croire que les Monkees jouaient de leurs instruments parfaitement, que c'était des virtuoses, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Mais à l'époque, on ne savait pas encore donc qu'ils ne jouaient pas. Et alors qu'ils sont en tournée en Angleterre, les Beatles vont rencontrer les Monkees plutôt. Et les Beatles avaient organisé même une petite fête de bienvenue au groupe. Et Michael Nesmith va même assister à la session d'enregistrement de la pièce A Day in a Life et se faire appeler par la même occasion Monkey Man par John Lennon. Et là, on s'en va entendre une autre pièce très très populaire des Zombies, écrite par Neil Diamond. Not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. Try. Oh. Well, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. Et les Monkees qui étaient au top de leur célébrité entre 1966 et 1967, et c'était la pièce I'm a Believer, pièce écrite par Neil Diamond, qui oui. était un auteur-compositeur donc invité pour composer quelques pièces. Ça a été sur la bande-annonce de Shrek, cette chanson-là, puis je trouve ça ouais, bizarre. Oui, repris par le groupe Smash oh, ouais. Mouth, entre ouais. autres. Hein. C'est une pièce quand même assez populaire des années 60, surtout aux États-Unis, et il faut dire que ça rentrait un peu dans l'esprit pré-psychédélique là, qui s'installait en Californie. Et donc, les Monkees ont quand même participé à cela, ouais. d'une certaine façon. Et on parle bien sûr des Monkees dans la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Salut, François. Et Simon Fetzbé. Je fais un blocage mental pour enlever Kiwan et Mathieu. Et ouais. C'est, désolé, hein, c'est je le fais moi aussi à tous les jours. Toute la journée, c'est pas vrai du tout. Salut, François. On t'aime, François. On t'aime. Et donc, Kiwan aussi, on t'aime, par exemple. Pourquoi ceux qui écoutent la balado. Oui, pourquoi pas. Salut, Kiwan. Et donc, justement... Là, je disais que les Zombies étaient allés en tournée en Angleterre. Grand succès mondial, font des tournées partout dans le monde. Mais de retour en studio, ça va plus ou moins bien entre Don Krishner et le groupe. Les Monkees, entre autres, se plaignent que les coordinateurs de musique, c'est-à-dire Don Krishner ainsi que ses associés, refusent qu'ils jouent de leurs propres instruments ainsi que leurs propres compositions sur les albums. Ils poussent même l'insulte à l'injure en déplaçant les sessions d'enregistrement vers New York, ce qui empêchait donc les vrais Zombies même d'assister aux sessions d'enregistrement. Monkees. J'ai dit Zombies encore. Simon se mélange entre Beatles, Zombies et Monkees. Ça doit être parce qu'ils aiment beaucoup les animaux puis les Zombies. Hein, c'est... Ah, c'est bien, bien possible. Ouais, j'arrête pas. Pas tu leur donnes de lait, par exemple, sinon ça leur fait des reflux gastriques. Oui. Pour ça, on a des... En tout cas, des antiacides. Oui, antiacides. Et donc, l'album More of the Monkees est lancé et sans que le groupe soit même averti du lancement. Et la pochette... C'est bizarre, Vraiment ordinaire. Il était pas au courant. Et la pochette a été prise... En fait, c'est une photo qu'il avait prise pour des magasins JCPenney's. Non. Qui ont mis sur la pochette, tout simplement. Pour juste trancher les pieds pour que les souliers paraissent. Exactement. Ouais. Exactement, c'est n'importe quoi. Et même dans les ce qu'on appelle les liner notes, les notes de pochette, dans le fond, ce qui est écrit dessus. Ils sont extrêmement auto-congratulantes pour Don Krishner, qui se voit vraiment comme le génie derrière les Monkees. J'ai dit comme faux, là. Oui, Monkees. Oui. Donc, Nesmith, Krishner et Screen Jam vont se retrouver dans une chambre d'hôtel afin de négocier des plus grandes libertés créatives pour le groupe. Les hommes d'affaires aiment mieux rappeler au groupe, par contre, qu'ils sont sous contrat et leur offrent plutôt 250 000 $ de royauté, ce qu'ils acceptent avec un arrière-roue à mer. Ben oui. Pas sûr, okay. Mais OK. Ouais, mais 250 000 $ à l'époque, c'était pratiquement comme... quelque chose comme 1 million, là, pratiquement, qu'on pourrait dire, par membre du groupe, là, parce que c'était pas 250 000 pour les quatre, c'était 250 000 par personne. Chaque. C'est assez impressionnant comme montant. Et donc, par contre, ce qui arrive, c'est que Krishner va être renvoyé quelques temps après parce qu'il a enfreint une condition du contrat du groupe qui stipulait que la compagnie ne pouvait pas lancer aucune pièce écrite par le groupe avec une composition de Krishner. Donc, on ne veut pas lancer un simple avec une pièce originale des Monkees. Il fallait que ce soit écrit par des artistes invités externes. Oui, exactement. Il fallait que les deux pièces qui se retrouvaient là-dessus devaient être écrites par l'équipe de production de Krishner ou deux pièces des Monkees seulement originales, enregistrées par eux-mêmes et écrites par eux-mêmes. Okay. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a lancé la pièce écrite par Neil Diamond, A Little Bit of Me, A Little Bit of You, et qui, en fait, qui était suivie par une composition originale des Zombies, She Hangs Out. Monkees, encore. C'est incroyable. C'est comme une alarme qui va sonner quand je vais m'en rendre compte. Oui, c'est une bonne façon de... Et donc, le groupe met à la porte Kushner et les Monkees sont maintenant libres de l'emprise de ce voyou de la musique. Non, c'est pas vrai. Quand même, de très bons instincts. Et il allait se recycler, donc, ce cher Kushner dans la production d'un groupe américain nommé The Archies, en fait. C'est un groupe de dessins animés. C'était les musiciens studio qui enregistraient. Il y avait une série animée, The Archies. C'était les personnages de bande dessinée qui avaient un groupe de musique et des albums ont été lancés par la suite. J'entends souvent, ça m'intrigue ces trucs-là, ces séries-là. Avec de la musique dedans, ça me rappelle Flight of the Conchords, puis j'aime bien ça. Oui, bon, mais c'est un peu inspiré de... Comédie musicale, en même temps, j'aime bien. Oui, c'est... En fait, les Flight of the Conchords sont un peu les enfants des Monkees et des Archies. Et donc, les Monkees vont retourner en studio, en fait, pour enregistrer l'album Headquarters, sur lequel ils jouent de leurs propres instruments et beaucoup plus de compositions originales qu'avant. Et avec cet album, par contre, le chat sort du sac, et ils vont apprendre à la planète que les Monkees ne jouaient pas vraiment de leurs instruments auparavant. Et oui. Mais par contre, ils vont recevoir l'appui de plusieurs groupes qui reconnaissaient leur effort pour prendre leur propre destinée en main, entre autres les Beatles et les Who. Vont vraiment dire lâcher un peu les Monkees, c'est pas de leur faute. Ils sont vraiment aidés les Monkees en essayant au moins. Oui, exactement. Ouais, mais exactement. En apprenant, ils l'ont appris en fait. Oui, ils ont appris. Ça a monté leur cote de crédibilité envers d'autres artistes. Vraiment. Et à partir justement de l'album Headquarters, c'est eux-mêmes qui vont jouer de leurs propres instruments jusqu'à la fin. Et en 1968, malheureusement, la série est annulée. Suite à la controverse. Oui, un peu suite à la controverse. Et aussi le fait que les jeunes grandissaient et la psychédélia, la musique psychédélique, arrivait à grands pas. Et les Monkees n'ont pas nécessairement suivi au début la vague psychédélique, ce qui n'a pas aidé vraiment à leur popularité. Et par contre, les Monkees continuent à lancer des albums, entre autres The Birds, The Bees and The Monkees. Et malgré l'objection avec la pochette qui représente encore pour étant un groupe pour enfants, donc vraiment. Mais ça me surprend que les batailles perpétuelles. L'étiquette de disque continue quand même de publier leurs albums malgré le fait que leur série avait été retirée, donc leur popularité était moins grosse. Ben, la merch fonctionnait encore. Ouais, ils étaient en vente quand même. Ouais, exactement. Ça fonctionnait quand même assez bien, à part pour la série télé qui avait plus vraiment de but et de d'histoire. Et après leur départ du petit écran, donc le groupe tente de se lancer au grand écran, cette fois-ci avec le film Head. Et ça, il y a quand même une blague assez intéressante, c'est qu'on voulait tuer les Monkees avec ce groupe-là, avec ce film-là plutôt, et on se disait si jamais on fait un deuxième film, on va pouvoir présenter sur l'affiche le deuxième film, on aurait la petite note « From the producers who gave you Head ». Okay. Et c'est bien sûr la connotation sexuelle, on va en parler ici ce matin. On traduira pas l'appellation. Exactement. Et donc, c'est comme un poil sur la bouche. Appellation. Donc, on retrouve un scénario et une production signée Raffleson et Schneider, les parents des Monkees, bien sûr, ceux qui ont eu l'idée originale, aidés par un jeune et peu connu Jack Nicholson, qui est également à la production du film. En 1968, c'était un peu nouveau pour lui. Et leur but est simple, donc, c'est de détruire les Monkees. On a même engagé Frank Zappa pour y faire un caméo, pour un peu mélanger les Monkees avec la vague psychédélique en se disant que plusieurs jeunes n'allaient pas suivre et les seuls qui allaient suivre, peut-être, allaient vouer, je dirais pas un culte, mais plutôt une appréciation aux zombies, aux Monkees plutôt, vraiment véridique, véritable. Et donc, le film n'est malheureusement pas, ou heureusement, tout dépendant du point de vue, pas très populaire et présenté devant des salles pratiquement vides et rapidement retiré des salles. Mission accomplie donc pour les producteurs. Du moins, c'est vrai pour le grand public, mais un véritable culte va se développer autour du film et sa trame sonore anarchique et psychédélique. Alors, donc, avec les années, dans les années 80, il va y avoir une réédition de la trame sonore et du film et les gens vont se garrocher pour avoir ça. Le groupe enregistre encore des albums et le groupe est de moins en moins convaincu, par contre, de sa popularité et de son potentiel. Entre autres, Peter Tork, qui se dit fatigué et épuisé, quitte le groupe en rachetant son contrat auquel il restait encore 4 ans à 150 000 $ par année. Donc, ça coûte quand même assez cher pour acheter son contrat avec Screen Gem. Le groupe continue en tant que trio et enregistre Instant Replay et The Monkees Presents, qui leur apporte peu de succès dû à des obligations d'apparition télé. Par contre, ça va être un peu plus populaire que ça aurait dû. Ils sont obligés de faire des pubs, entre autres, pour des magasins d'enfants, des choses comme ça, ce qui est vraiment plus le canevas des Monkees à cette époque-là. On s'approche. En 1970, c'est Nesmith qui quitte le groupe, laissant Jones et Dolenz en duo, enregistrant entre autres l'album Change. Et le groupe est de moins en moins populaire, les albums sont de moins en moins vendeurs, la compagnie disque n'est plus intéressée par les Monkees. Le duo va continuer à tourner pendant les années 70, aidé par la rediffusion des émissions télé le samedi matin pour les jeunes enfants. Mais on peut affirmer que ici, c'est vraiment la fin des Monkees à cette époque-là. Il va y avoir des tournées qui vont continuer, entre autres le groupe va se réunir dans les années 70 et 80. Vont profiter d'un regain de popularité, entre autres par Nickelodeon et MTV qui vont présenter la musique et les émissions des Monkees. Ils vont se réunir également une fois de temps en temps entre 90 et 2000. Ils seraient en train de préparer un retour sur scène présentement. Ah, pour vrai? Il y a des rumeurs que d'ici 2010-2011, on pourrait les revoir sur scène. Super! Assez intéressant. Entre autres, est-ce qu'on peut souligner en fait des zombies en terminant... Des Monkees! En terminant, ah là là! La semaine prochaine, on va parler des zombies et je vais tout le temps dire les Monkees. C'est ça. Hein, pourquoi j'ai hâte. Et donc, entre autres, ça a été les premiers artistes musicaux à gagner deux Emmy Awards. Donc, bien sûr, Emmy Awards pour Remy pour la télévision. Et également, ce qui est vraiment dommage pour eux... on peut dire qu'en 2008, ils ont été introduits au Hit Parade Hall of Fame, donc pour ceux qui ont eu les grands succès radio. Mais malheureusement, ils ne sont toujours pas dans le Rock and Roll Hall of Fame. Ils sont snobés. Ah! Et donc, c'est très, très dommage. Et j'ai pensé que, pour comme dernière pièce, on pourrait écouter une pièce écrite par Nesmith et Tork, c'est-à-dire « Listen to the Band », qui terminerait cette chronique. Hey, hey, mercy woman plays a song and no one listens. I need help, I'm falling again. Play the drum a little louder. Tell me I can live without her if I only listen to the band. Listen to the band. Weren't they good? They made me happy. I think I can make it alone. Oh, mercy, woman plays a song and no one listens. I need help, I'm falling again. Play the drum a little bit louder. Tell them they can live without her if they only listen to the band. Listen to the band. Now weren't they good, they made me happy, I think I can make it alone. Oh, woman plays a song and no one listens, I need help, I'm falling again. Come on, play the drums just a little bit louder, tell us we can live without her now that we have listened to the band. Et donc, les Monkees avec une pièce originale signée Jones, non pas Jones, mais plutôt Nesmith et Tork, les deux membres musiciens des Zombies. Et la pièce s'appelle... Monkees! Les Monkees! Hey, c'est dernière fois! Jusqu'à la fin! Jusqu'à la fin, j'arrête pas! Bon, jusqu'à la dernière goutte! Bon, jusqu'à la dernière goutte, effectivement. Goutte de zombie, du sang, peut-être? Oui, cerveau. Et donc, pièce originale des Monkees, écrite par les Monkees, Listen to the Band. Superbe. Mais... Merci, M. Fitzbé. Ça fait plaisir. Excellente chronique, j'adore ça. Super, les Monkees. Génial. Yeah. On te retrouve la semaine prochaine dans ton Simon Fétidé, toujours, avec ta chronique Phénomène. Ça va être la dernière de l'année. Oui, on va parler des Monkees, des Zombies, plutôt. Oups! On va faire jouer une dernière fois. Il y a aussi, à l'émission Dîner de con, entre 11h et 13h, c'est le Scout des Internets. Le Scout des Internets. Et puis, les jeudis soirs, à 21h, c'est La Saveur du Moment. La Saveur du Moment et Rock Classique le vendredi matin. Oui! 11h à midi. Et va, 11h à midi. Super. À la semaine prochaine, donc. À la semaine prochaine. Merci. Hey, Mathieu! François-Olivier! Hey, Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben, depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Rocky construisait notre journée avec des matériaux de qualité... Ben, je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité, c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça